Bonsoir à tous, vous retrouvez le RAF sur Radio Vibration. Alors après Waves, votre émission de 20h, voici Milky Waves, programmée dorénavant à 21h jusqu'à 22h. Prenez-en bonne note. J'en profite pour saluer Phil Black Marquis, le co-animateur de la nouvelle émission Waves, à qui nous souhaitons bon vent. Voilà, alors en ce beau dimanche de mars ensoleillé dans Milky Waves, c'est DJ Fire qui nous a sélectionné et mixé quelques bons morceaux. Alors on commence avec le grec Sadou de Bonsai Records. Il pose la question « Am I crazy ?» Vous avez 6 minutes pour y répondre. This is Milky Waves, hosted by Raph, with on the decks, DJ Fire. Am I crazy? This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. Thank you. Sur Milky Waves de 21h à 22h, nous venons d'écouter Sadhu avec Am I Crazy. Et maintenant, nous passons au très expérimenté Sacha. Sacha, l'anglais, qui nous a sorti un titre en 2011 qui s'appelle Belfunk. This is Milky Waves, hosted by Raf, with on the decks DJ Fire. This is Milky Waves on Vibration.fm 107.2 in Brussels. D'écouter Sacha avec Belle Funk. Toujours sur Vibration en compagnie de DJ Fire. Et maintenant on passe à l'israélien Moshik et le titre pas facile à dire, Zoukarie. Une musique aux accents orientaux. Allez, c'est parti. c'était Moshik avec Zoukarié. Et maintenant, on passe à Lolo alias Airwave, en compagnie de Fifi. Et ils ont composé ensemble le titre Back on Track. Back on Track de Airwave et Fifi. Alors maintenant, on passe à un résident Milky Waves, puisqu'il s'agit de Nico Parisi, avec le titre Caress, un Filthy Cheat Remix. We'll be right back. c'était Nico Parisi avec Caress, Filthy Cheat Remix. Et maintenant, on passe à l'Argentin Quintar avec son titre The Big Dan. This is Milky Waves, hosted by Raf, with on the decks, DJ Fire. Nous venons d'écouter Kintar avec The Big Dan. Toujours sur Vibration 107.2 Bruxelles, 91.0 Mons ou vibration.fm sur Internet évidemment. Toujours avec le RAF au micro et DJ Fire au platine, on passe à un label Bonsai puisqu'il s'agit de Manu Riga avec le titre Cimmerian Van Belen Remix. Voilà, c'était Manu Riga avec Cimmerian. Et on va conclure cette émission avec notre résident DJ Fire qui était aussi au platine cette semaine avec son titre Formentera. This is Milky Waves, hosted by Raf, with on the decks, DJ Fire. c'était DJ Fire avec Formentera. Voilà, Milky Waves épisode 7, c'est déjà terminé, oui, chers auditeurs. Quelle tristesse. Mais bonne nouvelle, on se retrouve dimanche prochain, 21h-22h. Toujours sur Vibration, voilà, bonne semaine, avec un petit peu de soleil, j'espère encore. Bye bye.